La deuxième épître de Pierre. Beaucoup de gens se demandent comment la Bible nous a été communiquée. Des hommes issus de milieux fort divers l'ont écrite entre le 15e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle de l'ère chrétienne. Tous ont été au bénéfice de l'inspiration divine par le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre le précise dans sa deuxième épître, chapitre 2, versets 20 à 21. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce qui est vrai des prophètes de l'Ancien Testament est vrai des apôtres du Nouveau Testament. Leur message n'émane pas d'une volonté humaine, mais il est l'expression de la volonté divine transmise par l'Esprit Saint. Cet esprit, nous dit Pierre, a poussé des hommes à parler de la part de Dieu. Cela signifie que l'Esprit de Dieu agissait sur l'esprit des hommes, un peu comme le vent agit dans les voiles d'un navire. Il gonfle ses voiles, puis, irrésistiblement, le pousse dans une direction précise. Le vent est invisible, mais son action est visible et efficace. De même, l'Esprit de Dieu a agi dans l'invisible, mais son action s'est concrétisée dans le texte sacré, c'est-à-dire la Bible que nous avons en main aujourd'hui. Pierre a probablement rédigé sa deuxième épître vers la fin de sa vie. En effet, il pressent une mort soudaine. « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, » il parle ici de son corps, « de vous tenir en éveil par des avertissements. » Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. 2 Pierre 1, 13 à 14. On peut donc considérer cette épître comme le testament spirituel de Pierre. Elle présente du reste d'étroites analogies avec la deuxième épître de Paul à Timothée, où l'apôtre précise lui aussi qu'il sent approcher le moment de sa mort. 2 Timothée 4, 6. C'est pourquoi les deux épîtres se rejoignent et se complètent. Toutes deux font état de l'abandon de la foi et de la multiplication des fausses doctrines, et toutes deux annoncent l'imminent retour de Jésus-Christ en gloire, avec toutes ses implications pour l'Église et pour le monde. Et maintenant, donnez-vous la peine de feuilleter les pages de cette deuxième épître de Pierre. L'apôtre rappelle tout d'abord aux croyants les vertus chrétiennes. Foi, connaissance, maîtrise de soi, patience, piété, amitié fraternelle, amour. Chapitre 1er, versets 5 à 7. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 8. C'est donc un appel à plus de ferveur, plus de zèle et plus de consécration, ce dont nous avons toujours besoin. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Verset 10. Puis l'apôtre rappelle sa propre expérience sur la montagne de la Transfiguration, lorsque Jacques, Jean et lui-même ont vu quelque chose de la gloire et de la majesté de Christ. Ce qu'il a vu de ses yeux et entendu de ses oreilles est pour lui comme une preuve de la véracité des écrits prophétiques de l'Ancien Testament quant aux événements futurs. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset 19. L'étoile du matin, c'est l'image très évocatrice à laquelle Pierre recourt pour décrire l'espérance que Christ dépose dans le cœur du croyant. Qui n'a pas admiré, dans les heures précédant l'aube, l'éclat de la planète Vénus, surnommée l'étoile du berger ou l'étoile du matin? C'est au moment où la nuit est la plus sombre qu'elle brille dans toute sa splendeur. Et c'est aussi lorsque l'obscurité spirituelle est la plus dense que notre espérance en Christ devient la plus vive. Les chrétiens martyrs qui aujourd'hui sont internés dans les camps de concentration ou les asiles psychiatriques mettent tout leur espoir en Christ, leur suprême délivrance, celui qui ne faillira pas à ses promesses, celui qui vient bientôt pour juger les coupables et récompenser les fidèles. Il est lui-même cette étoile du matin, comme il le dit à la dernière page de notre Bible. « Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Apocalypse 22, 16. Si pour Pierre, l'étoile du matin brillait déjà au sein d'une sombre nuit, combien plus épaisses sont les ténèbres dans lesquelles le monde est plongé aujourd'hui. Et si les solennels avertissements de l'apôtre dénonçaient déjà les fausses doctrines et l'immoralité, à combien plus forte raison sommes-nous concernés par cette mise en garde en notre époque de corruption et de multiplication des sectes pernicieuses. C'est pourquoi le chapitre 2 de cette seconde épître de Pierre est très actuel. C'est un langage fort qui en dit long sur les caractéristiques de notre civilisation post-chrétienne. Doctrine d'erreur, impiété, dissolution, dérèglement sans fin, désir d'impureté, corruption, cupidité. Il est vrai qu'au sein de cette société souillée par le vice, Dieu emploie encore des témoins. Il en a employé autrefois, il en choisit encore aujourd'hui. L'apôtre cite ici les exemples de Noé et de Lot. Mais le mal fait appel au jugement des coupables, ce qui est le sujet principal du chapitre 3. Les moqueurs peuvent tourner en dérision le message de l'Écriture. Les philosophes peuvent penser que rien n'a changé depuis que le monde est monde. Mais le jugement divin devra s'accomplir, et malheur à ceux qui ne se seront pas mis en ordre avec Dieu. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 2 Pierre 3, 7. Un employé de la municipalité de Londres avait été chargé d'entretenir la gigantesque horloge qui domine Fleet Street au cœur de la cité. Alors qu'il nettoyait l'horloge, la manche de sa veste s'est prise dans l'engrenage. Il a crié au secours, mais sa voix n'a pu dominer le bruit de l'intense trafic de la rue. Des centaines de Londoniens passaient sur les trottoirs à une cinquantaine de mètres au-dessous de lui, mais personne n'a entendu les appels du malheureux. Le mécanisme du mouvement d'horlogerie a broyé impitoyablement l'employé, qui a succombé à une mort atroce, privé de tout secours, au lieu même où se pressait la foule citadine la plus dense. Ne jouez pas avec le temps qui ne vous appartient pas. Vous ne pouvez empêcher l'aiguille du cadran de Dieu de poursuivre sa course. Peut-être avez-vous pensé que Dieu n'existe pas, ou que, s'il existe, il vous laisse agir entièrement à votre guise. L'employé londonien accomplissait son travail routinier quand soudain il s'est trouvé pris dans un engrenage et projeté dans l'au-delà. Et si pour lui c'était un accident imprévisible, pour vous ce sera différent, car Dieu vous a prévenu. L'horloge de Dieu est en mouvement et l'heure des règlements de compte approche indubitablement. Le jugement divin surviendra comme un bouleversement cosmique qui broie tout sur son passage. Ne vous laissez pas surprendre par les châtiments divins. Demain, Dieu jugera. Aujourd'hui, il aime et il patiente. Auriez-vous défié son amour ou joué avec sa patience? Auriez-vous cru que Dieu ne tiendrait pas parole et que ses décrets annoncés autrefois ne s'accompliraient pas? Que dit l'apôtre Pierre, chapitre 3, verset 9 ? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, ne veut pas votre malheur et votre perdition. Il patiente dans son amour, et aujourd'hui, il vous offre la possibilité d'un salut parfait et éternel, moyennant un acte personnel de repentance. Laissez-vous arrêter par sa grâce et arrachez à la condamnation éternelle pendant que c'est encore possible. Cependant, si le monde s'achemine de manière irréversible vers la catastrophe universelle du jour de Dieu, Nous, chrétiens, nous n'avons pas à trembler comme ceux qui refusent de se mettre en règle avec Dieu. La deuxième épître de Pierre précise ce que le Seigneur attend de nous, la piété, la pureté, la patience, la paix. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. 2 Pierre 3, 14 à 15. Chrétiens, vivons-nous dans la réalité en attendant les choses qui doivent arriver bientôt? Si Jésus-Christ revenait en cet instant, nous trouverait-il sans tache, irréprochable et dans la paix? N'avons-nous pas à nous examiner nous-mêmes et à conformer notre vie aux critères de sa sainte parole? Dans la conclusion de son épître, versets 17 à 18 du chapitre 3, l'apôtre propose aux croyants un programme précis pour l'épanouissement de leur vie spirituelle. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. À la fin de ce bref exposé de la deuxième épître de Pierre, nous ne pouvons qu'exprimer ce vœu que vous puissiez, que nous puissions tous croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, notre vie et notre témoignage serviront à la louange et à la gloire de notre bien-aimé Sauveur qui revient bientôt.